la conversation scientifique par Étienne Klein. Aujourd'hui, la révolution bolchevique et les révolutions scientifiques. Comme vous le savez, ce week-end des 14 et 15 octobre 2017 est consacré sur les ondes de France Culture au 100e anniversaire de la révolution russe. Dans la conversation scientifique, nous voudrions aborder plusieurs questions. Pour ce qui est des sciences, de la recherche, où en était la Russie du tsar au tout début du XXe siècle ? Et en quoi la révolution bolchevique de 1917 a-t-elle changé la donne ? Lorsque cette révolution a éclaté, trois révolutions scientifiques étaient par ailleurs accomplies ou en cours d'accomplissement. D'abord la théorie de la relativité restreinte, formulée par Einstein en 1905, qui obligeait à repenser les liens entre l'espace et le temps. Ensuite, la théorie de la relativité générale du même Einstein, publiée à la fin de l'année 1915, qui proposait une nouvelle conception de la gravitation. Enfin, la toute neuve et balbutiante physique de l'atome, qui deviendrait la physique quantique au cours des années 1920. La révolution politique d'octobre aida-t-elle ou entrava-t-elle en Russie la diffusion de ces révolutions scientifiques ? Jean Anouilh faisait dire à l'un de ses personnages de théâtre « D'ailleurs, les vraies révolutions sont lentes et elles ne sont jamais sanglantes. » Mais est-ce bien sûr ? Et si cela est vrai, alors quelles furent parmi celles que j'ai citées les révolutions les plus révolutionnaires de la première moitié du XXe siècle ? Pour en discuter, j'ai invité d'abord Alexis Greenbaum. Bonjour Alexei. Bonjour Étienne. Vous avez grandi en Russie, vous avez poursuivi vos études en France, à l'école polytechnique, et vous êtes devenu philosophe des sciences, spécialiste des questions relatives à la physique quantique, et vous avez d'ailleurs publié en 2014 un livre intitulé « Mécanique des étreintes, l'intrication quantique ». Tout à fait. Mon second invité est Pierre Vanhove, physicien théoricien à l'Institut de physique théorique de Saclay. Bonjour Pierre. Bonjour Étienne. Vous êtes spécialiste de gravité quantique et vous avez traduit en français le livre étonnant d'un mathématicien et prêtre russe, Paul Florensky, qui s'était beaucoup intéressé aux théories d'Einstein, qui a été fusillé en 1937. Et c'est un livre qui s'intitule « Les imaginaires en géométrie ». Et vous êtes par ailleurs affilié à un laboratoire en Russie dont le titre m'impressionne, Symétrie miroir et forme automorphe, c'est ça ? Oui, c'est ça. Qui est situé à Moscou ? C'est ça, donc c'est un laboratoire qui vient d'être créé à Moscou, au sein de la Haute École d'économie, qui est un endroit qui regroupe différents instituts. Et ce laboratoire est composé de différentes personnes travaillant à la fois en mathématiques et en physique, et des Russes sont qui travaillent en France, en particulier à l'université de Lille, comme Valérie Gritsenko, qui est un de mes collègues, est rentré en Russie pour devenir un des directeurs adjoints de ce laboratoire. Mais les liens que la France a, en particulier que j'ai avec des chercheurs en Russie, existait déjà par des collaborations avec un laboratoire du CNRS, et ça il faut le signaler, c'est quelque chose qui est important, que la France a eu des liens scientifiques forts avec l'Union soviétique, et en particulier le CNRS a un laboratoire qui s'appelle le laboratoire Poncelet, à Moscou même. Mais le CNRS en fait permet d'y détacher des chercheurs français, pour quelques mois ou un an, et aussi essaye à travers ce laboratoire de cristalliser des collaborations entre la France et la recherche en Russie aujourd'hui. Alors remontons à un siècle plus tôt, avec Alexei Greenbaum, la science en Russie en 1917. Avant la Révolution, donc sous la période du Tsar, est-ce qu'il y a des universités, est-ce qu'il y a des laboratoires, est-ce qu'il y a des académies ? Oui, tout à fait. L'Académie des sciences en Russie est créée au début du XVIIIe siècle. Les universités se créent à partir de la même époque, du XVIIIe siècle, et puis plus tard, au XIXe, il y en a vraiment plusieurs qui sont créées. Mais l'état de la science russe est quand même très particulier avant la Révolution. Et je peux citer un grand philologue classique qui a quitté la Russie après la Révolution. Mikhail Rostovtsev est devenu président de la Société des historiens aux États-Unis. Lui, il disait, en regardant en arrière, il disait, avant la Révolution, quel était l'état de la science en Russie ? La science était étrangère, dit-il, à la Russie officielle. La Russie officielle, le pouvoir du tsar, tolérait la science, mais ne faisait rien pour établir un lien véritable entre la science et la population, la science et le peuple. La science et la société, on dirait la science et la société aujourd'hui. Oui, voilà. Donc le problème de science et société était très mal réglé à l'époque des tsars. Quelques universités qui existaient, évidemment, proposaient des carrières scientifiques. Les grandes chaires, par exemple, de physique, les grandes chaires de chimie étaient occupées par des personnes âgées qui n'étaient pas non plus tout à fait prêtes à accepter, à comprendre ces révolutions scientifiques dont vous avez parlé au début de l'émission. Et d'ailleurs, j'ai une anecdote à vous raconter à ce sujet. Un jeune physicien qui plus tard deviendra assez célèbre, il sera l'auteur du premier cours de physique théorique, du premier manuel de physique théorique soviétique, qui s'appelle Yakov Frenkel. En 1917, il est jeune étudiant à l'université de Saint-Pétersbourg, donc c'est là, dans la capitale que la révolution a lieu, et le 26 octobre 1917, au lendemain de la révolution d'octobre qui a lieu le 25, il a un examen de physique. Et donc, il va se rendre à l'université pour passer son examen devant des professeurs très connus, dans un particulier un professeur qui s'appelle Kvolson, qui était le professeur de physique le plus célèbre, grand maître de tous les physiciens russes de l'époque. Et donc, il doit aller à l'université à pied parce qu'il n'a pas de transport, c'est la révolution. Et il doit en particulier traverser un pont, donc le pont du palais devant le palais d'hiver à Saint-Pétersbourg, pour aller sur l'île Vassilevski, là où se trouvait historiquement, où se trouve toujours l'université. Et à l'entrée du pont, il voit des matelots révolutionnaires qui bloquent le passage. Le pont n'est pas accessible aux piétons. Et donc, il ne peut pas se rendre à l'université. Évidemment, il ne peut pas non plus passer son examen. 3 jours plus tard, il parvient quand même à atteindre l'université. Il rencontre les professeurs, les examinateurs, dont le professeur Wolson, qui lui dit « Mais jeune homme, 3 professeurs étaient là en train de vous attendre pendant 1 heure et vous n'êtes pas arrivé. Mais qu'est-ce qui se passe ?» Frenkel répond « Mais c'était la révolution. » À quoi le professeur, qui est encore plus remonté contre ce jeune homme, il lui dit « Mais jeune homme, écoutez-moi bien, pour les scientifiques, il n'y a pas de révolution. » C'est pas une excuse pour le retard ou pour l'absentéisme. Et effectivement, on aura compris, on comprendra très très très vite après que pour ce professeur Wolson, la relativité, la mécanique quantique, tout cela n'existe pas. Ce sont pas des révolutions. Pour lui, la physique s'est arrêtée bien avant. Et ces jeunes physiciens qui entrent en sciences, qui entrent dans les nouveaux instituts de recherche en 1917-1918 surtout, parce que c'est vraiment l'année charnière, l'année où tout change, où les bolcheviks lancent leur science avec leurs instituts de recherche. Et ce sont ces jeunes gens, comme Yakov Frenkel, qui vont établir en Russie, puis en Union soviétique, la nouvelle physique, la physique quantique. Ce professeur considérait que la physique était achevée. Voilà, ce professeur pensait qu'il n'y avait plus rien à découvrir, rien à inventer, que la physique, c'était la bonne vieille physique du 19e siècle. Comme le pensait Lord Kelvin, voilà. Qui avait fait la même déclaration quelques années plus tôt. Effectivement, il n'était pas seul. Tout à fait, il n'était pas seul. On connaît des cas comme ce professeur Wesson, on en connaît en Angleterre, on en connaît en Allemagne. Le problème de cette science à l'époque, c'est que les jeunes qui portent avec eux ces idées révolutionnaires ne trouvent pas de lieu, d'institution où ils pourraient travailler parce qu'il y a peu d'universités et les chaires ne sont pas accessibles à des jeunes de 20 ans. Et donc les bolcheviks vont changer ça. Est-ce qu'il y a des éditions scientifiques en Russie à cette époque-là? Pas vraiment. Il y a une petite maison d'édition pour l'Académie des sciences, mais c'est tout. Également les bolcheviks, mais ce sera un peu plus tard. Ce sera à partir de 1920, les bolcheviks vont créer plusieurs maisons d'édition, les maisons d'édition techniques surtout, et puis les maisons d'édition spécialisées par domaine. Il y aura une maison d'édition pour la chimie, une autre pour la physique, etc. Et donc après, tout cela donnera cette fameuse maison soviétique qui s'appelle Nauka, science, la maison d'édition qui va durer jusqu'à la chute de l'Union soviétique et qui publiera tous les grands livres des scientifiques russes. Pierre Vanhove, en 1917, que fait ce personnage qui vous a tant intéressé et dont vous avez traduit le livre, Paul Florensky? Il est né en 1882, je crois. Oui, c'est ça. Donc, Paul Florensky... Il est prêtre. Il est... D'abord... Oui, enfin, il est tout à la fois. Paul Florensky est un prêtre, mathématicien, physicien, théologue, théologien. Il est très difficile de mettre ce personnage dans des cases. Parce que c'est quelqu'un qui avait une vision extrêmement complexe et unifiante de à la fois du monde et puis des sciences et de la religion. Alors, en fait, il a commencé comme étant un élève de mathématiques. Donc, il a fait des études de mathématiques à l'université de Moscou. Il suivait les travaux de Nikolaï Bougaïev. Et l'histoire d'ailleurs de Florensky et de sa relation avec l'école mathématique de Moscou d'avant la Révolution est très bien racontée, enfin, dans le livre de Jean-Michel Cantor et Lorraine Graham qui s'appelle « Au nom de l'infini ». Et Florensky est quelqu'un qui, à la base, s'intéresse aux sciences, mais très jeune, déjà petit, a une aspiration mystique, religieuse. Et il se rend compte à un moment que les sciences ne vont pas suffire pour remplir son désir de mystique. Donc il va, alors qu'on lui propose un poste à l'université, décider de quitter la science pour la religion et devenir prêtre. Oui, il écrit « La science et la religion sont également nécessaires à l'homme, également justes et sacrées. Une chose sacrée ne peut pas et ne doit pas contredire une autre chose sacrée, tout comme une vérité ne peut pas complètement exclure une autre vérité. » Voilà. Donc il essaie de créer une sorte de relation entre la science et la religion, c'est ça, de les unifier. Pour lui, la science n'est pas en contradiction avec la religion. La science est, de son point de vue, un habit qui sublime l'œuvre divine, un peu comme un habit cache effectivement notre corps, mais le met en valeur. Et il essaye par la science justement d'atteindre cet aspect du divin et de comprendre justement ce qui est au-delà de notre monde réel. Mais lorsque la révolution éclate, il a 35 ans. Oui. Qu'est-ce qu'il fait? Où se trouve-t-il? Il est prêtre, vous dites, mais il a des activités scientifiques. Alors, effectivement, ce qui se passe, c'est qu'au moment de la révolution, il reste en Russie. Il dit « Je crois qu'au plan historique, il est avantageux et même indispensable pour la religion de passer à travers une période difficile. Et je ne doute pas que cette période serve à la religion seulement pour sa purification et qu'elle la fortifie. » Donc il a une vision de la nécessité de rester dans le pays. Mais il sent que ça va être difficile quand même. Il sait que ça va être difficile. Et d'ailleurs, sa vie va être difficile. D'un autre côté, tout en étant prêtre, en portant l'habit de prêtre, une croix pectorale, il est reconnu comme étant un scientifique exceptionnel. Et c'est ça aussi qui va lui permettre, pendant les premières périodes après la Révolution, de pouvoir continuer à travailler en tant que, dans un institut où il fera plutôt un travail qu'on qualifierait d'ingénieur, mais de travailler à l'institut qui s'appelle Glave Electro, qui est la direction centrale de l'électricité. Et Trotsky lui-même, qui, parmi ses nombreuses casquettes, était directeur de cet institut, soutenait Florensky. C'est-à-dire, il l'admirait. C'est-à-dire qu'il reconnaissait justement sa puissance intellectuelle et il pensait qu'un personnage comme Florensky va aider justement à mettre le pays en avant, l'électrification du pays est fait. Et si on lit le livre que vous avez traduit, Pierre Vanhove, ce livre de Florensky qui s'appelle Les imaginaires en géométrie, on a l'impression qu'il est plutôt mathématicien. Il y a une grande aisance avec les équations d'Einstein, notamment de la relativité. Il en propose une interprétation même, qui va au-delà du cadre strictement physique. Tout à fait. Alors, il faut comprendre que les gens étaient familiers, d'une certaine façon, avec les théories d'Einstein de la relativité. Elles avaient pénétré la Russie voilà. En 1917. Alors, il y avait déjà quand même des relations entre, avant la Révolution, les scientifiques travaillaient quand même sur des thèmes qui étaient proches des idées développé par les théories d'Einstein, en particulier les théories de la relativité. La relativité restreinte, c'est 1905, et la relativité générale, c'est 1915. Donc, par exemple, Lebedev, avait déjà fait des travaux sur la pression de la lumière qui était peut-être pensée dans le cadre de la théorie de Maxwell, de l'électromagnétisme, mais néanmoins était allée dans la direction de ce que Einstein a apporté avec la théorie de la relativité. Les idées mathématiques que la théorie de la relativité a apportées en termes d'un espace-temps qui n'est pas du tout l'espace-temps euclidien habituel, une géométrie donc nouvelle, avait été préparée dans l'esprit des scientifiques russes par les travaux de Lobachevsky, qui avait justement écrit des articles sur les géométries qui sont les géométries non euclidiennes. Donc la géométrie de Lobachevsky, c'est celle de la selle de cheval, donc une géométrie courbe, où les parallèles, enfin les droites parallèles se recoupent. Et il avait d'ailleurs écrit en français, en 1837, un article qui s'appelait « Géométrie imaginaire ». Ça, c'est Lobachevsky. Et donc, en fait, dans ce cadre-là, imaginaire du titre du livre de Florensky, et puis imaginaire dans ce cas de géométrie, rentrait dans une sorte de... Il y avait une certaine habitude mathématique des certaines notions abstraites introduites en physique. Plus tard, un autre physicien russe, Friedman, qui élabora l'un des premiers modèles cosmologiques qui maintenant est considéré comme un des modèles cosmologiques standards, qu'on appelle modèle de Friedman, Lemaître, Robertson, Walker, qu'on utilise aujourd'hui pour décrire le Big Bang. À partir des équations d'Einstein. Lui aussi avait un esprit très mathématique. C'était quelqu'un d'extrêmement rigoureux, très mathématique. Donc, il y a quand même la façon dont la relativité a été acceptée, c'est plutôt par cet aspect formel, mathématique des choses. D'abord, il faut peut-être expliquer ce que signifie le mot imaginaire dans le titre. Parce que imaginaire, quand on dit en français imaginaire, on peut penser, puisqu'on a parlé de mathématiques, au nombre imaginaire. Donc, bien sûr, il traite de nombre imaginaire. Mais on peut penser aussi à l'imaginaire, c'est-à-dire ce qui tient du rêve. En fait, pour lui, imaginaire, c'est beaucoup plus en rapport avec un processus de création, une autre vision de la réalité. Et son idée, c'est que le monde est composé de plusieurs niveaux de réalité. Donc il y a la réalité dans laquelle nous, on vit, et puis la réalité des idées, de Dieu, c'est-à-dire une réalité auquel on n'a pas accès, nous, directement, par nos sens. Ni par la science. Si, parce qu'en fait, Einstein, quand il a introduit la relativité, il a introduit la notion de... Bon, il y a la notion de causalité qu'il utilise pour définir correctement pourquoi est-ce que la vitesse de la lumière est une vitesse limite. C'est-à-dire, si on peut se déplacer à une vitesse supérieure à la vitesse de la lumière, on pourrait retourner dans le passé, et d'où les paradoxes de standard, c'est-à-dire... Du grand-père, etc. Et donc Einstein a imposé sur une structure mathématique existante ce principe physique de causalité qui dit que dans l'espace-temps, donc l'espace et le temps étant équivalents dans son formalisme, qu'il y a une région autorisée où les phénomènes physiques se passent et puis une région interdite parce que dans cette région interdite, on ne respecterait pas la causalité. On pourrait donc voyager dans le temps en quelque sorte. Et donc ce que Florensky essentiellement dit il dit beaucoup de choses dans son livre, mais une des choses en particulier qu'il utilise, c'est que pour dépasser la vitesse de la lumière, on peut le faire mathématiquement, mais on doit introduire des grandeurs qui sont des nombres imaginaires. Et donc, on peut mathématiquement utiliser le formalisme des nombres imaginaires pour montrer une relation entre le monde physique auquel on a accès. C'est-à-dire que la physique, pour lui, est une sorte de tremplin qui donne accès, finalement, à ce monde imaginaire ou spirituel que vous évoquez. C'est ça. Et donc, pour lui, il n'y a pas de contradiction du tout. Alors, vous connaissez le principe de l'émission. On va passer des morceaux de musique. Vous êtes deux. Donc, il y a un morceau qui a été choisi par Pierre Vanhove. Et c'est celui que nous allons écouter en premier. Je crois que c'est du Bach. Thank you. Ivanov, il me semble reconnaître le clavier bien tempéré. Voilà, oui, tout à fait. En fait, donc, c'est le clavier bien tempéré interprété par Maria Yudina, une pianiste russe ou soviétique qui est née en 1893 et morte en 1970. C'était la fille spirituelle de Paul Florensky. Elle était orthodoxe et elle revendiquait sa foi. Staline admirait son talent de pianiste, mais elle s'opposait à lui au nom de, justement, de sa foi et des atrocités qu'il avait pu commettre. La chose extraordinaire avec chez Maria Yudina, c'est ça, cette force qu'elle avait. Et en quelque sorte, dans l'Union soviétique, c'est quelque chose qu'on va retrouver à la fois chez Florensky, ce que je vais dire un petit peu après, c'est que des gens avec un talent scientifique ou artistique pouvaient réussir à être en quelque sorte tolérés, même protégés, si ils souffraient. Protégés, c'est pas moi. En tout cas, le fait est, c'est que d'un côté, l'État reconnaissait la valeur de ces personnes et certaines personnes avaient le courage de leurs opinions. Donc en particulier, quand elle a reçu le prix Staline, elle a donné l'argent à l'Église, elle a dit: jour et nuit, je prierai pour le pardon des atrocités que vous avez perpétrées contre votre peuple. Je refuse le prix Staline et j'envoie l'argent pour la rénovation d'une église et le salut de votre âme. Alors, en fait, on retrouve là un peu la position que je disais, donc de Florensky, qui était prêtre, donc il portait l'habit. Et après la Révolution, il travaillait donc dans cet institut, Glave électrique, pour l'électrification de la Russie. Trotsky le sait. Et un jour, Trotsky va visiter cet institut et voit Florensky en habit et demande « Qui est-ce ?» Et donc, un des aides de camp de Trotsky dit « Mais c'est le professeur Florensky. » Et là, Trotsky répond « Ah oui, je sais. » Alors, Trotsky s'approche de Florensky et lui dit qu'il serait bien s'il allait à un congrès d'ingénieurs qui va se tenir dans quelque temps. Et il lui dit « Naturellement, vous ne viendrez pas habillé comme cela. » Florensky répond « Mais je n'ai pas renoncé à mes vœux et je ne puis porter d'autres vêtements. » Et donc, Florensky intervint au congrès. Il monte en chaire dans son habit blanc. Il fait un exposé brillant. Et ça va être, pour beaucoup des soviétiques présents, une énigme. Comment est-ce que quelqu'un qui représente par son habit et par ses vœux l'obscurantisme religieux d'avant la Révolution peut être un scientifique aussi brillant? Alexis Grimond, vous avez une explication. Vous connaissez, j'imagine, Paul Florensky. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire qu'il ressemble un petit peu à Teilhard de Chardin? Non pas dans sa psychologie, mais dans ses activités, le fait de vouloir unifier beaucoup de choses. Sans doute, oui. Et je comprends très bien aussi l'étonnement de ces ingénieurs soviétiques de voir quelqu'un habillé en prêtre, parce que la science bolchevique, la science promue par le bolchevique, était tout le contraire de cette science qui pense aussi la religion, qui essaie de penser l'absolu, que l'infini, comme Florensky. La science des bolcheviques, d'ailleurs, il y a des mots très clairs de quelqu'un de très important, d'Anatole Lunacharsky, commissaire du peuple à l'instruction publique, qui dit « L'heure pure de la science, ce sont les sciences de la nature, c'est d'elles que nous avons besoin dans cette Russie bolchevique, dans cette Russie nouvelle, et l'homme nouveau, l'homme futur, dit-il, doit être un homme au cœur d'acier et à la volonté électrique. » Donc, vous voyez, Florensky, habillé en tant que prêtre, n'est pas du tout un homme à la volonté électrique pour le commissaire du peuple à l'instruction publique. Et la Russie de la fin des années 10 et du début des années 20, c'est encore cette Russie de cohabitation, de la cohabitation entre les bolcheviks et leur vision de l'avenir, dont celle-ci de Lunacharsky, et la Russie, la vieille Russie, la Russie spirituelle, la Russie qui croit éternelle en Dieu, la Russie éternelle. Après, les purges vont arriver plus tard, mais ça, ce sera plus tard. La Russie de la Révolution... Ce Lunatcharsky dont vous parlez, c'est un bolchevique, c'est un érudit, et il arrive à convaincre ceux qui pensaient que les bolcheviques étaient des ignares qu'en fait, ça n'est pas le cas. Lunatcharsky est quelqu'un de très important pour l'établissement du lien entre les bolcheviques et l'intelligentsia russe, et donc ces intellectuels. Lunatcharsky était un homme très cultivé, il est nommé par les aussitôt à partir de la Révolution, commissaire du peuple à l'instruction publique. Et d'ailleurs, Trotsky, qui écrit plus tard ses mémoires, décrit Lunatcharsky à cette époque avec, dans ses mots magnifiques. Il dit plus d'un universitaire, plus d'un intellectuel en séjour, admira bouche bée ce vandale Lunatcharsky qui lisait une demi-douzaine de langues modernes et deux langues anciennes et qui, en passant inopinément, dévoilait une érudition si universelle qu'elle aurait pu suffire à une bonne dizaine de professeurs. Ce n'est pas un des moindres mérites de Lunatcharsky que d'avoir obtenu le ralliement de l'intelligentsia diplômée et potentée au régime soviétique. Et donc Lunatcharsky était quelqu'un vraiment de très important, pas seulement symboliquement. Parce que c'est ce même Lunatcharsky, dans sa qualité du commissaire du peuple à l'instruction publique, qui lance à partir de 1918, à partir de l'automne du mois de septembre 1918, qui lance la vague de création de nouveaux instituts de recherche, aussi bien en sciences exactes, en sciences de la nature, qu'en sciences sociales, sciences humaines. Et c'est par ces instituts-là que va petit à petit se créer la nouvelle science soviétique, cette science qui donnera plus loin des grands prix Nobel et des grands travaux, par exemple, en physique. Et donc, Lunatcharsky, ça n'est pas seulement un symbole, c'est aussi quelqu'un qui lance ce travail bolchevique dans les sciences et dans l'enseignement supérieur. Mais est-ce que les scientifiques en Russie, au lendemain de la Révolution, donc à la fin du mois d'octobre 1917, ont la même réaction vis-à-vis de la Révolution? Est-ce qu'ils adhèrent? Est-ce qu'au contraire, ils ont peur? Est-ce qu'ils se sentent menacés? Est-ce que l'idée de révolution politique est associée dans leur esprit à l'idée de révolution scientifique? Oui, je dirais que la réaction n'est pas du tout homogène. La plupart des scientifiques qui travaillent en sciences exactes, mais pas tous sans doute, en sciences de la nature, croient, surtout les jeunes, ils y croient et ils veulent essayer de voir où ça va les mener. Et d'ailleurs, le même Frenkel dont j'ai déjà parlé, et puis après Abraham Joffé, le fondateur de l'Institut Physico-Technique, un institut extrêmement important pour le développement de la physique, ils reviennent de leurs vacances en Crimée en 1918, parce que tout le monde à l'époque partait en vacances en Crimée, de la mer Noire. Elle était sous les Blancs. La Crimée était sous les Blancs, tout à fait. Ils rentrent à Saint-Pétersbourg, à Petrograd, comme on disait à l'époque, ou à Moscou, qui était déjà, donc, bien sûr, sous les Rouges. Et ils disent, essayons. Et là, essayons, ça me fait penser à cette phrase magnifique, à ce vers magnifique du poète aussi Mandelstam, qui, dans un poème écrit à peu près à la même époque, qui parle de la Révolution, il dit, essayons donc, énorme, maladroit, un tour grinçant du gouvernail. Et donc, l'attitude des scientifiques, des sciences exactes, c'était cela, essayons ce tour du gouvernail. Donc en revanche, on donne sa chance à la Révolution. Donnons une chance aux bolcheviques. Voilà, et on collabore. On collabore, mais on collabore pour faire de la science, pas pour faire de la politique. Tandis que dans les sciences humaines, c'était presque le contraire. Du côté des sciences humaines, il y avait une très grande partie de l'intelligentsia qui était opposée à la révolution bolchevique, qui pourtant était acquise à la première révolution du février, à la révolution menchevique du février, à la révolution démocratique et bourgeoise du mois de février 1917, mais qui était très opposée aux bolcheviques. Et on verra que même si au début, en 1918, encore, il n'y a pas de purge, il n'y a pas encore de camp, de goulag, comme ce sera le cas après, mais très vite, vers 1922, ces représentants des sciences humaines opposées au bolchevisme, y compris beaucoup de ceux qui sont encore impétrés de la pensée religieuse, qui certains croient en Dieu, d'autres sont des prêtres comme Florensky, d'autres sont juste des professeurs qui ont des idées démocratiques, mais pas du tout bolcheviques. Ils vont en grande partie être expulsés de la Russie, de l'Union soviétique, par les bolcheviques. France Culture. La conversation scientifique par Étienne Klein. Restons sur les sciences, disons, dures. On a l'impression qu'elles sont une priorité pour les bolcheviks, puisque dès le mois de septembre 1918, donc un an après la Révolution, il y a tous les instituts qui sont, enfin plusieurs instituts qui sont créés, comme si c'était vraiment une sorte d'urgence. Il y a l'Institut du Radium, qui deviendra l'Institut de Physico-Technique, l'Institut d'Optique, l'Institut de la Parole Vivante. Qu'est-ce que c'est ça? Ah oui, ça c'est du côté de la psychologie, quitte un peu les sciences exactes, oui. Mais les bolcheviks créent vraiment ces instituts, portent des noms magnifiques. Institut de la Parole Vivante pour accueillir des études de psychologie sur la parole, sur le langage, et puis d'autres instituts, mais par exemple l'Institut d'études de la platine et des métaux nobles, Institut central aérohydrodynamique et tout le développement technique que lancent les bolcheviks. Donc vraiment, 1918 est une année où Lunacharsky, dont j'ai parlé, lance plusieurs instituts de recherche qui petit à petit vont développer cette science nouvelle. Mais l'Académie ne disparaît pas non plus. L'Académie des sciences reste là. Lunacharsky essaye de réformer l'Académie en disant « vous devez vous aligner sur les objectifs, les valeurs des bolcheviks ». L'Académie, d'ailleurs, n'est pas opposée à cela. L'Académie écrit à Lénine en 1918 pour dire « oui, nous sommes prêts à répondre à vos demandes, aux demandes du gouvernement bolchevique ». Et Lénine protège l'Académie. Quel est le rapport de Lénine avec la science? Est-ce qu'il attend beaucoup d'elle? Est-ce qu'il l'associe au bolchevisme? Ouais, Lénine a beaucoup de respect pour les intellectuels. Ça, c'est vrai dans tous les domaines. Et Lénine est quelqu'un qui, au début, bon, déjà, il soutient sans doute Lunacharsky avec la création de ces nouveaux instituts, mais également, il protège, comme j'ai dit, l'Académie des sciences. Il dit, vous voulez réformer l'Académie? Non, n'allez pas trop vite. Il faut pas y aller trop vite. Il faut pas casser la vaisselle. Il faut que l'Académie, quand même, soit respectée. Gros bateau dont l'évolution sera lente. Voilà. Et dans le même temps, Lénine, qui respecte les intellectuels, respecte les scientifiques, qui protège l'Académie des sciences. D'ailleurs, le président de l'Académie des sciences nommait en 1915 un certain Karpinski. L'académicien Karpinski va rester président de l'Académie des sciences jusqu'à 1935, pendant 20 ans. Donc, il survit à toutes les révolutions, à la mort de Lénine, au début de l'époque stalinienne. Il reste président de l'Académie des sciences. Mais Lénine, quand même, à côté, n'hésite pas, quand il faut, à envoyer des ordres vraiment très sévères contre certains scientifiques. Par exemple, en 1921, il ne va pas s'opposer, même si on lui demande ça, il ne va pas s'opposer au verdict contre un chimiste et géologue qui s'appelle Tikhvinsky, qui va être fusillé par la Tchéka, par le KGB de l'époque. Et Lénine, c'est le même Lénine qui protège l'Académie des sciences, il va dire cette phrase, il va dire « la chimie et la révolution ne s'opposent pas, ne s'excluent pas ». La chimie et la contre-révolution ne s'excluent pas. Et donc Lénine, d'un côté, protège l'institution scientifique, il a du respect pour la science, et de l'autre côté, il n'hésite pas à envoyer des ordres de fusillade. Mais est-ce que la recherche est libre ? À cette époque-là, avant l'arrivée de Staline? Au début, oui. Avant l'arrivée de Staline, la recherche de la fin des années 10 et des années 20, je dirais jusqu'à 1929, est encore une recherche libre. Et d'ailleurs, le mot libre est très important. Par exemple, en 1920, va être créée la Société libre de philosophie à Saint-Pétersbourg, à Petrograd à l'époque. Et donc ce mot de liberté est une valeur très importante pour la Révolution, mais aussi pour les intellectuels de l'époque. Et la répression va commencer seulement quelques années plus tard. Donc les 5 premières années de la Révolution, ce sont des années de grande liberté de la pensée. Et de grands développements, notamment dans le domaine des mathématiques et de la physique théorique. Vous êtes d'accord, Pierre Manov? Oui, tout à fait, en fait. D'abord, pour indiquer comment est-ce que les idées des scientifiques, en particulier en physique et les théories d'Einstein, étaient reçues par les dirigeants de l'Union soviétique, donc Lénine. Lénine avait 12 livres sur la relativité dans sa bibliothèque au Kremlin. Donc des livres, des traductions d'Einstein et puis d'autres livres écrits par des scientifiques russes. Et en 1917, Gorky dit qu'il faut développer des terrains d'observation exacts dirigés par la logique de faire des mathématiques afin de, justement, servir au développement de l'Union soviétique et de la nouvelle, du nouveau pays qui se développe. Où est-ce que ces physiciens se forment-ils? Est-ce qu'ils vont à l'étranger? Est-ce qu'il y a des bourses? Voilà. Alexis Brunet. Oui, à l'époque, les bolcheviks d'abord continuent et puis prolongent et même développent la bonne tradition qui était d'envoyer les jeunes scientifiques pour des séjours à l'étranger. Et le jeune Vladimir Fock, qui deviendra plus tard un des grands physiciens, mais aussi Landau, aussi Gamow, aussi plusieurs autres, Kapitsa, Kourtchatov, etc., tous ces grands physiciens soviétiques de l'époque suivante, commencent, quand ils sont jeunes, par des séjours à Copenhague, en Allemagne, en Angleterre, chez Rutherford, avec des bourses du gouvernement bolchevique. Et ces bourses vont durer jusque dans les années 30, mais ces bourses existent déjà à partir de 1920, plus ou moins, et permettent à ces physiciens d'apprendre la science de pointe. Et en rentrant, ils vont aller travailler, pas tellement dans les universités, qui encore sont occupées par des vieux professeurs, mais dans ces instituts nouvellement créés. Et c'est là où les universités polytechniques, il y a une université polytechnique à Saint-Pétersbourg, il y a une autre à Moscou. Et c'est par ces écoles polytechniques et par les nouveaux instituts de recherche que ces jeunes vont pouvoir développer la physique quantique et la physique nouvelle d'Einstein. Donc les bourses de séjour à l'étranger sont quelque chose de très très important pour la science russe. Donc les scientifiques peuvent se former à l'étranger grâce à ces systèmes qui les financent. Par contre, pour les philosophes, ça se passe moins bien. Ils sont expulsés et... Alexis Grimond, vous avez choisi comme morceau de musique une chanson qui s'intitule « Le dernier bateau » et vous nous expliquerez après pourquoi. Это стало теперь легендою. Год далекий, 22-й. Уплывает интеллигенция, покидает советский строй. Уезжают Бердяева, Лосевы, бесполезные для страны. Ни историки, ни философы революции не нужны. Этой дальней командировкой заменяют им полный срок. Над распахнутой мышеловкой пароходный кричит гудок. Им даруется индульгенция пролетарской страны позор. Уплывает интеллигенция, изгоняется за бугор. Не живы и ждут и Берии, не расстрелы и гулаг. Их покуда живыми империя под чужой выпускает флаг. То ли в Англию, то ли в Грецию над пожитками хлопоча уплывает интеллигенция соизволения Ильича. Ну а если кто опрометчиво не покинет свои дома, тем другие пути намечены: Беломорье и Колыма. Чем возиться с литературой, было проще пустить в расход. Провожают чекисты хмурые отплывающий пароход. Огарёва след и Герцену на изгнание обречена. Уплывает интеллигенция и заплачет по ней страна. Скоро здесь, кроме мелкой сволочи, не останется ни души. Помаши им вдогонку, Вовочка, обязательно помаши. Помаши им вдогонку, Вовочка, обязательно помаши. – Alexis Grimbaum, ne parlons pas russe, je ne sais pas ce que raconte cette chanson intitulée « Le dernier bateau ». Expliquez-nous. C'est une chanson d'Alexandre Gorodnitsky, qui est un chanteur, mais aussi un scientifique. Il est géologue de formation. Il a aujourd'hui 70 ans, donc c'est une chanson qu'il a écrite il y a une vingtaine d'années, qui parle de cet épisode de l'histoire russe, de l'histoire soviétique de 1922, qui s'appelle le bateau des philosophes. Et d'ailleurs, c'était le 29 septembre 1922, donc on est aujourd'hui à 100 ans de la Révolution, mais aussi à 95 ans du bateau des philosophes. Alors j'ai déjà cité Lénine qui disait « la chimie et la contre-révolution ne s'excluent pas ». Et vers 1921, les bolcheviks découvrent que la contre-révolution ne s'exclut pas seulement avec la chimie, mais aussi avec les sciences humaines, la philosophie, mais aussi l'agronomie, par exemple, et puis toutes les sciences. Et à partir de 1921, il commence à préparer ses premières expulsions des intellectuels qui ne sont pas d'accord avec le bolchevisme. Et ça commence en 1921 avec des, non pas des expulsions, mais malheureusement quelque chose de plus grave encore, des procès, ça s'appelle le procès Tagantsev, du groupe d'un membre de l'académie Tagantsev, qui était un géologue de renom. Et les personnes arrêtées pour le complot Tagantsev seront fusillées fin août 1921. À partir de là, Lénine donne un ordre à Dzerzhinsky, qui était le chef de la Tchéka, de la Tchéka soviétique, de la Tchéka bolchevique, pas encore soviétique à l'époque. Et Dzerzhinsky commence à préparer des listes d'expulsion, des listes des intellectuels anti-soviétiques, anti-bolcheviques, qui seront expulsés. Alors, les expulsions commencent en printemps 1922 depuis Kiev, depuis donc l'actuelle capitale de l'Ukraine, depuis Moscou et depuis Petrograd, Saint-Pétersbourg d'aujourd'hui. Les plus grandes expulsions, ce sera au mois de septembre et puis tout au long de l'automne 1922. Et le symbole de ces expulsions, c'est ce qui se passe le 29 septembre. Le 29 septembre, tout un nombre de philosophes et pour une bonne partie de philosophes religieux très connus, Berdiaïev, Semyon Frank, Ivan Ilyin, Sergei Trubetskoy, Mikhail Assargin, je prononce les noms à la russe, mais aussi plus tard Sergei Bulgakov par exemple, seront expulsés au bord de ce bateau des philosophes, qui est un bateau qui va en Allemagne, à Stettin, mais ils ne vont pas rester en Allemagne, ils vont pour une bonne partie en France, et ils s'établissent à Paris, aujourd'hui. On peut voir leur tombe au cimetière russe de Sainte-Geneviève des Bois dans l'Essonne. Et c'est comme ça que Paris, en fait, devient un des hauts lieux de la philosophie religieuse russe dans les années 20. Et ça va durer jusque après la Deuxième Guerre mondiale. Et donc ce bateau des philosophes est un point de rupture entre les bolcheviks et l'intelligentsia des sciences humaines, les philosophes. Mais aussi, c'est un point terminal, on peut dire, des sciences humaines et de la philosophie en Russie et en Union soviétique. Parce qu'à partir de là, il n'y aura que du marxisme. D'accord. Est-ce que c'est aussi à partir de ce moment-là qu'on parle de la différence entre la science bourgeoise et la science prolétarienne ? Cela commence un peu avant. Ça commence évidemment après la Révolution, mais vers 1919-1920, on commence à entendre ces discours. Par contre, les bolcheviks passent à l'action en 1921. Et en 1921, pour la première fois, avec le procès de Tagantsev, on entend ces slogans des scientifiques anti-soviétiques, des philosophes bourgeois, donc tout ce que Staline va reprendre plus tard et multiplier par mille ou par un million dans les années 30. Pierre Vanov, est-ce que Paul Florensky est touché en 1922 par cette vague d'expulsion, de menaces contre les philosophes ? Alors en fait, donc, c'était un ami proche et intime de Serge Bulgakov, ou Sergei Bulgakov, qu'il ne faut pas confondre... Le poète. Le philosophe théologien, qu'il ne faut pas confondre avec Mikhail Bulgakov, l'auteur bien connu. Et d'ailleurs, ce que Sergueï Bulgakov disait de Florensky, c'est qu'il disait, il rappelle plutôt les personnalités titanesques de la Renaissance, Léonard de Vinci et peut-être d'autres peut-être aussi Pascal et chez les Russes Bolotov. J'ai connu en lui le mathématicien, le physicien, le théologien, le philosophe, l'historien des religions, le poète, l'amateur d'art et le mystique profond. Alors lui, donc Florensky, publie donc ce livre « Les imaginaires en géométrie » en 22. Alors, c'est un livre qu'il avait commencé quand il était étudiant et il a écrit la dernière partie en 1922. Et cette dernière partie, où en particulier il parle de Dante, n'est pas accepté et il commence à avoir des problèmes. C'est ça qui va être le début de ses problèmes et l'amener dans les camps, à différents endroits. Alors, dans la postface du livre, on publie, qui était rédigé par son petit-fils, présente la lettre, une lettre dans laquelle Florensky essaie de se défendre. Mais malheureusement, les choses avaient changé. C'est-à-dire, un prêtre, même tout en étant un scientifique exceptionnel, avec des idées qui ne rentraient pas avec les idées marxistes de l'époque, ça ne pouvait plus passer. Il va passer le reste de sa vie camps, entre 1922 et 1937, date à laquelle il est fusillé dans un bois avec d'autres prisonniers. Mais il a quand même, si j'ai bien compris, continué de mener des recherches scientifiques, notamment sur les algues. Oui, alors et ces découvertes ont été ensuite présentées comme ayant été faites par d'autres. Alors, d'abord, c'est ça qui est absolument extraordinaire chez lui, et puis chez d'autres aussi scientifiques qui ont été déportés dans les camps. C'est que tout en étant dans des conditions terribles de vie et des conditions matérielles épouvantables, il ne pouvait pas s'empêcher de travailler. Il travaillait comme il pouvait, parce qu'il, bien sûr, il n'avait pas accès à ses livres. Il se plaignait qu'on lui avait tout enlevé, sa bibliothèque. Sa bibliothèque est confisquée en 1934 par le NKVD, et il écrit « C'est une punition bien plus cruelle que la mort physique ». C'est ça. Et c'est vraiment quelqu'un qui, donc, quand il sera dans les camps, il travaillera sur le permafrost, quand il sera en Sibérie. Il travaillera tout le temps et il aura toujours cette soif de ne pas s'arrêter. Alors bien sûr, ses travaux seront essentiellement techniques ou industriels, puisque par la force des choses. Mais ce qui est surtout désolant, comme vous l'avez mentionné, est que après sa mort, en fait, son nom a été effacé de ses contributions. Donc aujourd'hui, parce qu'on redécouvre Florensky, on redécouvre l'importance de ses contributions à la science. France Culture. La conversation scientifique par Étienne Klein. Igor Tam, qui est un grand physicien qui a eu le prix Nobel de physique en 1958, disait de Florensky qu'il avait sans doute les capacités de mettre sur pied la physique quantique. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que c'est un peu exagéré? Ou est-ce qu'il avait vraiment cette... Il pensait que la discontinuité était un point essentiel de la nature. Peut-être que ça l'aurait aidé à mieux penser la quantification des interactions. Qu'est-ce que vous en pensez, Alexei? Je ne crois pas que Florensky était prêt à développer la physique quantique, parce qu'en tant que mathématicien, il s'intéressait surtout aux théories de l'espace-temps. Et la mécanique quantique, justement, n'est pas une théorie de l'espace-temps. Hein. La mécanique quantique peut dire des choses en second ordre, enfin, pour l'espace, mais n'est pas dans l'espace. Je ne serais pas d'accord avec Tam. Par contre, cette pensée scientifique de l'époque, qui venait des mathématiques, a vraiment fait écho et a été un des fondements du développement de la physique quantique plus tard, parce que cette physique quantique russe ou soviétique plus tard sera fondée sur une physique mathématique très développée. Tous les étudiants apprenaient des mathématiques vraiment comme des vrais mathématiciens. Et ça vient de l'école de physique mathématique qui a été fondée à cette époque-là, pendant les années 10 et les années 20, par des grands physiciens mathématiques. Comme Landau, par exemple. Oui, en particulier, mais aussi, Pierre, vous l'avez dit, par Lebedev, par des gens qui écrivent, par Smirnov. Smirnov qui écrit un premier manuel de physique mathématique dans les années 20, des années 30, début des années 30, par Fock. Vladimir Fock, qui écrit ses manuels de physique quantique, qui seront après utilisés pendant des dizaines d'années en Union soviétique. Donc tous ces jeunes scientifiques à l'époque qui créent des bases de cette science soviétique qui va aller jusque dans les années 80-90. Je voulais ajouter un mot à propos du bateau des philosophes encore. Il faut se rendre compte de cette coïncidence extraordinaire, mais aussi signifiante et significative. Les expulsions avaient été mises en œuvre par la Tchéka, bien sûr, par les services bolcheviques de l'époque, mais la sélection a été opérée par une commission de 3 personnes, comme après on connaît à l'époque stalinienne déjà des troïkas, donc c'était une des premières troïkas, et cette troïka était présidée par un monsieur qui s'appelait Bogdanov. Bogdanov était un copain de Lénine, un bolchevique de première heure, qui n'a pas voulu participer au pouvoir politique des bolcheviques à partir de 1917, mais qui est resté un intellectuel bolchevique. Et en particulier, il a été chargé par Lénine du développement de l'économie et du management bolchevique pour la création des premières usines de production de masse par les bolcheviks dans les années 20. Vous voulez dire un travail donc, analogue à celui qui a été mené aux USA au même moment par Ford et d'autres? Par Henry Ford, tout à fait. En plus, il correspondait même avec Henry Ford. Donc Bogdanov et son collègue Gostev étaient liés à Ford par des liens de correspondance. Et Bogdanov, qui d'un côté est vraiment le fondateur de l'économie du management soviétique, un des pères de ces théories d'organisation. C'est lui qui a écrit ce qu'on appelle la méthodologie. Oui, alors il est au début de ce développement de la méthodologie. Donc le mot méthodologie va être créé dans les années 40-50 par un de ses élèves qui s'appelle Chedrovitsky. Et donc son élève dans les années 40-50 va créer cette méthode de management, méthode d'organisation qu'il va appeler la méthodologie, qui d'ailleurs survivra à Chedrovitsky et puis sera développée par tout un cercle de ses élèves, dont par exemple l'actuel, un des chefs de l'administration actuelle du président Poutine, qui est un méthodologue, donc un élève des élèves de Chedrovitsky, qui lui-même était élève de Bogdanov. Donc vous voyez, il a une ligne directe de Bogdanov et de ses premières études sur le management jusqu'à la Russie actuelle. Jusqu'au Poutine d'aujourd'hui. Jusqu'à l'administration de Poutine, pas M. Poutine, mais ses collaborateurs. J'ai peur de me confondre dans mes notes, mais c'est bien lui qui a écrit « Nous voulons créer des hommes-machines avec des cœurs d'acier » Non, ça n'est pas lui, mais il était, c'est Lunacharsky qui l'écrit, mais c'est la même idée. Hein, c'est la même idée, c'est soutenu par Bogdanov, c'est soutenu par d'autres, mais c'est ce même Bogdanov qui signe les ordres d'expulsion des philosophes religieux. Et là, vraiment, on voit tout le contraste entre ces idées bolcheviques, le cœur d'acier, l'homme-machine, la volonté électrique. C'est comme ça qu'on va créer des êtres heureux. Et de l'autre côté, l'expulsion de tous ceux qui ne sont pas d'accord, de tous ces philosophes religieux, et les expulsions dans le meilleur des cas, parce que les d'autres avaient été fusillés. Mais qu'est-ce qui va, à partir de quand ça devient très dur pour les scientifiques qui sont un peu dissidents? À partir de 1929-1930, ça commence à devenir de plus en plus dur, et les années 30 sont vraiment, vraiment des années d'enfer pour les scientifiques qui ne sont pas d'accord. Mais ça, ce sera déjà sous Staline. Jusqu'à 1929, il est encore possible d'aller à l'étranger, il est encore possible de se sentir en une certaine liberté, mais les années 30 vont changer tout cela. Pierre Vanhove, est-ce qu'on sait pourquoi Paul Florensky a été fusillé en 1937? Est-ce qu'on connaît les raisons ou est-ce que c'est un peu ce qu'on a dit, c'est-à-dire qu'il était orthodoxe? Il a été fusillé comme beaucoup, beaucoup d'autres personnes. Comme Matthew Bronstein, qui était un physicien qui avait travaillé sur la gravité quantique et élève de Fock et donc l'institut créé par Yoffe qu'on a mentionné avant. Moi, je ne sais pas précisément pourquoi il a été fusillé à cette date-là. D'ailleurs, il faut remarquer que très longtemps, la date exacte de son exécution, qui est le 8 décembre 1937, a été cachée. Et on trouve dans des références, des dates postérieures. On dit qu'il a été fusillé en 39, beaucoup plus tard. Et ce n'est que récemment que ça a été rétabli comme étant la date de 1937. Merci à Alexis Grenbaum, merci à vous Pierre Vanhove pour être venu à la conversation scientifique, parler du lien entre la révolution bolchevique et les révolutions scientifiques. À propos, j'ai une anagramme à vous proposer qui m'a été soufflée par Jacques Parisalkov, l'anagramme de la révolution d'octobre. Vous la connaissez? Non, ça donne robinet d'alcool ouvert. Je vous invite à boire un verre. C'était la conversation scientifique par Étienne Klein avec la collaboration de Cyril Baer, à la technique Valérie Lavalard et à la réalisation François Connac. Christophe Onodibio pour le temps des écrivains.